Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons ce matin dans le chapitre 19. Et avant de commencer, j'aimerais dire que c'est le dernier vidéo avant le temps des fêtes. Et nous allons revenir après le temps des fêtes, ça veut dire le 9 de janvier. Lundi, le 9 de janvier, nous allons recommencer les vidéos et nous allons continuer au chapitre 20 de Matthieu. Notre Père du ciel, nous te remercions. Nous te remercions du fond du cœur que par ces hommes comme Matthieu, tu nous parles, tu nous dis, tu nous révèles ta parole et tu nous instruis par ton esprit qui est en chacun de nous tes enfants. Tu nous amènes à comprendre que le royaume des cieux, ce n'est pas ce que nous avions imaginé ou pensé en tant qu'être humain. Le royaume des cieux, c'est là pour toi, pour la gloire de ton roi et pour la gloire de notre Dieu. Guide-nous encore ce matin pour qu'on puisse, en ce temps de Noël, te glorifier tel que tu t'es présenté. Amen. Donc, on a vu hier que le royaume des cieux est pour ceux qui décident de se faire eunuques eux-mêmes. Et nous continuons ce matin dans cette même pensée et nous allons lire du verset 13 jusqu'au verset 29. Je vais laisser de côté le verset 30 parce que je crois qu'il se joint naturellement au chapitre 20. Alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples les repoussèrent et Jésus dit, « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains et il partit de là. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Il leur répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Et si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé? » Jésus les regarda et leur dit, « Ô homme, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? » Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Donc, Jésus nous parle ici de deux choses, mais je les ai mis ensemble. Pourquoi je les ai mis ensemble? Je crois que c'est l'intention de l'auteur de les mettre ensemble. Souvent, l'auteur, quand il écrit, comme Matthieu, va aller chercher dans ses souvenirs ce qu'il a entendu. Il les met pas toujours par ordre chronologique. Des fois oui, des fois non. Et des fois, il va les emmener à la suite, même si dans la vie de Jésus, ils n'ont pas toujours été de façon chronologique. Donc lui, Il met entre l'histoire du divorce et des eunuques deux versets par rapport aux trois versets par rapport aux enfants. Et il continue avec le jeune homme riche. Ma raison, ce que je crois qu'il a fait cela. Vous pouvez avoir d'autres avis, bien entendu. Il démontre, au verset 13 jusqu'au verset 15, que quand ils ont emmené les enfants, les disciples arrêtent les enfants, repoussent les enfants, parce que pour eux autres, le royaume n'est pas là vraiment pour cela. Ils ne pensent pas dans cette fonction-là. Le royaume, c'est quelque chose de terre à terre. Et Jésus vient établir le royaume, et le royaume va se mettre en place, et il voit pas la place des enfants dans ce royaume-là. Il les repousse. Et Jésus dit, non, non, non, repoussez-les, pas les enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il n'aurait pas dû repousser les enfants. Mais le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent dans quel sens? Il leur ressemble, c'est-tu parce que la plupart pensent, ou beaucoup pensent, que c'est à cause qu'ils sont purs. Donc, si je peux devenir pur comme un enfant, ben là, je vais pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Non, non, non, non. Et là, je crois personnellement. Ce qu'il veut dire, lui, il va nous montrer ce qu'il pense. Je crois que Matthieu est guidé par Dieu, par l'Esprit de Dieu, et là, il va rentrer l'histoire du jeune homme riche. Il va dire, le jeune homme riche n'est pas comme ce petit enfant-là. Le jeune homme riche ne ressemble pas à ces enfants-là qui peuvent entrer dans le royaume des cieux. Le jeune homme riche est contraire à cet enfant-là. Ces enfants-là, ils viennent avec rien. Ils viennent avec rien. Ils sont pas là pour... Comment je dirais ça? Faut pas penser qu'est-ce qu'un enfant pense du royaume des cieux. Mais je crois que ce qu'il veut qu'on retienne, qu'on ressemble aux enfants, c'est que les enfants ont été amenés à Jésus, et ils viennent à Jésus, ils sont contents de voir Jésus, puis ils ont rien. Puis ils pensent pas en fonction de plus tard. Ils jouissent de la présence de Jésus, tout simplement. Ils sont contents de voir Jésus. Mais le jeune homme, lui, il vient comment? Il vient en fonction, avec, pas comme un enfant vient. Il vient et dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire de bon pour avoir la vie éternelle? Quand tu dis, qu'est-ce que je dois faire de bon pour avoir la vie éternelle, tu es en train de dire, moi, je suis bon. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que tu peux pas faire quelque chose de bon si tu n'es pas une bonne personne. C'est pour ça que Jésus, je crois, verset 17, répond, pourquoi m'intéresses-tu sur quelque chose de bon? Il y a juste Dieu de bon. Tu veux avoir la vie éternelle? Et quand je parle, fais attention, pour les Juifs, rentrer dans la vie éternelle ou avoir la vie éternelle, ce n'est pas le ciel, mais qui meurt. Vous vous souvenez qu'il y avait un autre homme qui avait demandé la même chose? Un pharisien, si je ne me trompe pas, ou un maître de la loi, excusez, un maître de la loi qui avait dit, qu'est-ce que je fais pour la vie éternelle? Et Jésus avait raconté l'histoire, samaritain, qui avait ramassé quelqu'un qui était sur le bord de la route. Lui-ci avait demandé, qu'est-ce que je vais faire pour avoir la vie éternelle? La vie éternelle, pour eux, c'est pouvoir entrer dans le royaume que le Messie devait établir. Oh, il dit, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, dit-il? Et là, Jésus les nomme. Vous remarquerez qu'il nomme, je dirais, les six derniers commandements qui s'adressent dans les relations humaines. Il n'a pas parlé que tu aimeras ton Dieu, tu feras pas d'image d'un Dieu, et tu parles du sabbat. Il parle pas des quatre premiers commandements dans les dix, mais il parle des six derniers. Il dit, Ne tue pas, ne commets pas l'adultère, ne dérobe pas, ne parle pas mal des autres, fais pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, aime ton prochain comme toi-même. Il parle de nos relations humaines. Et le jeune homme riche, il dit, ben, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours fait ça. J'ai observé toutes ces choses. Je suis bon. Qu'est-ce que je dois faire de bon, de plus encore, pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui dit, tu veux être parfait? Tu veux être parfait pour entrer dans la vie? Tu penses que si tu peux être parfait, tu vas entrer dans la vie? Va. Va vendre tout ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres. Tu auras un trésor dans le ciel, puis viens, suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, parce qu'il était très riche. Ce jeune homme-là, qui se croit bon, qui a approché Dieu ou Jésus pour que Dieu lui dise quoi faire pour être certain de rentrer dans la vie éternelle, dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu, dans le règne du Messie, Jésus dit, va faire cela. Et viens et suis-moi. Qu'est-ce qui est en train de lui dire. Si on donne notre argent aux pauvres, on va avoir une place dans le ciel? Je crois pas. Ce qu'il est en train de dire au jeune homme, enlève dans ta vie tout ce qui est là, tout ce qu'il y a dans ta vie, renonce à tout ce que tu as, tout ce qui peut t'empêcher de me suivre, et viens et suis-moi. Parce que Jésus, il dit, je suis la vie éternelle. Je suis la vie éternelle. Si tu veux avoir la vie, viens et suis-moi. Je suis la vie éternelle. Mais il tient trop à sa vie personnelle, à ses richesses et tout ce que ça implique dans sa vie. Il évalue ça plus précieux que Jésus lui-même, le roi. Et le Messie, et le royaume à venir, ou la vie éternelle. Jésus se retourne de bord, puis il dit, je vous dis que ça va être difficile à un homme d'entrer dans le royaume des cieux. Ça va être difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et là, il renchérit au verset 24, je vous le dis encore, il soit plus facile à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille, qu'un riche doit entrer dans le royaume des cieux. Donc, le but ici, c'est d'entrer dans le royaume des cieux. C'est d'avoir la vie éternelle. C'est d'entrer dans le royaume des cieux. Il dit, ça va être difficile, mais il dit d'autre main au verset 24, ça va être impossible. Ça va être impossible. Passer un chameau dans le trou d'une aiguille, c'est pas possible. Donc, c'est impossible. C'est pour ça qu'il va réenchérir encore une fois au verset 26, ce qui est impossible aux hommes. Donc, c'est impossible à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. C'est impossible. C'est pas juste difficile, c'est impossible. Et là vient tout le grand débat. Est-ce que Jésus demande ça à tout le monde? Je vais vous dire oui, personnellement. Oui, dans le sens que je veux suivre Jésus et je dois abandonner toute ma vie. Je dois mettre tout en arrière de moi pour suivre Jésus. Ça ne veut pas dire que je me fais moine et je m'en vais vivre dans la pauvreté le restant de ma vie pour suivre Jésus. Non. C'est pour ça qu'il renchérit, je crois, au verset 29. Si tu quittes ton père, ta mère, tes frères, ta soeur, ta maison, tes terres, si tu quittes quelque chose pour me suivre, s'il y a quelque chose qui vient entre moi et toi, tu l'abandonnes et tu me suis. Si quoi que ce soit vient entre moi et toi, tu l'abandonnes et tu me suis. Tu as évalué comme étant moins important tout ce que tu as que ma personne. Comme un peu Paul qui va dire autrement, je regardais comme d'un bout tout ce qui était en arrière pour posséder Jésus-Christ. C'est pour ça que l'apôtre Pierre a dit, nous avons tout quitté et nous avons suivi. Et Jésus lui dit, il va vous être rendu au centuple et vous allez avoir la vie éternelle. Il dit, vous avez tout quitté et vous m'avez suivi et vous allez avoir le royaume des cieux et vous allez avoir la vie éternelle. Vous allez l'avoir. Parce que vous avez tout quitté pour me suivre. Frère et sœur, j'ai déjà dit, je le répète, on ne peut pas payer pour avoir le royaume des cieux. Mais il faut tout quitter pour y rentrer. Il faut tout quitter pour y rentrer. Et je crois personnellement que dans différentes périodes de nos vies, il peut y avoir différentes choses qui vont faire des obstacles. Et Dieu, ça peut être la santé, ça peut être une femme, ça peut être des enfants, qu'ils autres vont décider de ne pas suivre le royaume de Jésus-Christ. Et ça va faire une séparation entre eux et nous qui suivons Jésus-Christ. Ça peut être un conjoint. Ça peut être une job, ça peut être des richesses. J'ai intitulé cette petite vidéo, Le royaume des cieux est pour ceux qui sont devenus pauvres, qui ont renoncé à tout ce qu'ils possèdent. Quand on renonce à notre vie, frère et sœur, quand on a renoncé à notre vie, afin de vivre pour Dieu, nous avons renoncé à tout. C'est ce que Jésus va dire dans Luc d'une façon autrement. Celui qui ne hait pas son père, sa mère et ses propres enfants, qui se charge pas de sa croix et qui ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Même vérité qu'ici. Même vérité. Tu dois tout quitter et tu dois me suivre. Ce n'est plus toi qui es le maître de ta vie. Ce n'est plus ta femme, tes enfants. Ce n'est plus ta job, c'est plus ton argent. C'est moi qui est le maître de ta vie. C'est moi que tu suis. Et tout ce que tu as ne t'appartient plus, mais ça m'appartient. Tout ce que tu as maintenant, ton corps, ton âme, ton esprit, tout ce que tu possèdes de biens matériels, ça m'appartient à moi. Ça m'appartient à moi. Ce n'est plus à toi. Tout est à moi. T'as renoncé à tout. Et tu as décidé de me suivre. Et le texte dit, et tu auras un trésor dans le ciel. Tu vas l'avoir, la vie éternelle que tu veux avoir. Tu vas être dans le royaume des cieux que tu désires. Et tu l'as démontré en rejetant tout, en disant, tout ce que j'ai, tout ce que je suis est moins important de ce que tu es. Je décide de tout abandonner pour te suivre. Parce que, je l'ai déjà dit, je le répète, quand on décide de suivre quelqu'un, on ne va plus ce qu'on veut. On va ce que l'autre veut. On va ce que l'autre veut. On fait ce que l'autre demande. On ne suit pas Jésus comme Judas afin d'avoir de quoi. On suit Jésus à cause de lui. C'est lui que nous voulons. C'est lui que nous désirons. Et en s'en allant dans notre vie, il y a bien des moments où cette décision-là sera testée, évaluée. Et c'est pour ça qu'on en voit à travers les années qui suivent pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et finalement, il y a quelque chose qui arrive dans leur vie qu'ils évaluent plus précieux que Jésus lui-même et abandonnent. Ils s'en vont. Notre Père du ciel, ne sommes pas de ceux qui abandonnons. Nous avons renoncé à tout et nous te suivons, toi qui es la vie éternelle. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. N'oublions pas, c'est le dernier vidéo. Je vous souhaite un bon temps des fêtes, dans sa présence, dans sa gloire, et on se revoit au début de la nouvelle année.